Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un super coffret. Pour les fêtes, voici un superbe coffret réunissant B-Movie, vous savez, la petite abeille, et Madagascar. Vous vous en souvenez de Madagascar ? Quatre animaux, un zèbre, une girafe, un hippopotame et un lion, sont libérés d'un zoo de New York et sont autorisés à vivre libres seulement à Madagascar, sur la côte africaine. Malheureusement, ayant grandi en captivité, ils n'ont aucune idée de comment se débrouiller. Bienvenue au zoo de Saint-Papa ! Beaucoup d'animaux en savent plus qu'on le pense. Ça, c'est vrai. Ils ont des sentiments. Notre place n'est pas ici. C'est totalement contre nature. Tout ça, c'est qu'un complot abracadabrantesque. Ils font des plans. Aujourd'hui, on va se faire la malle. J'ai réussi. Et parfois, j'aimerais retourner à la vie sauvage. Ils rêvent d'une autre vie. Si les pingouins s'en vont, pourquoi pas moi ? Les pingouins sont cinglés. Alex, Marty, Melman, Gloria. C'est leur chef. On s'est fait balancer. Madagascar. Le coffret B-Movie Madagascar, un super cadeau signé Universal.